Vous écoutez Fresh Air, radio communautaire KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 09 80 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir, Minnesota. Yeah, bonsoir, Adrien. Comment ça va? Ça va et toi, Freddy? Yeah, ça va. I didn't notice at first, but you got your haircut. I did, yeah, yes. I can't say that it goes with the weather. Like, it would have been nicer to have, like, a little bit of sun. Yeah, that's with this right. Fresh cut, but we're anticipating being proactive. But you got a super cool T-shirt tonight. Oh, thank you. De retour à la demande générale, and it's a guillotine on your shirt, and it says in French, she's back at the popular demand, request. That's awesome. So why the roses at the bottom of the guillotine? Well, it's kind of like what you give to funerals. Oh, they probably thought it was going to be less creepy, you know. Some roses by a guillotine, and it's red on red, and, you know, that sort of thing. So that's... I thought about this one. I'm moving soon, and it turns out that the new apartment has more room for T-shirts. So here we go. I don't have to part with any, so I'm pretty excited about that. Just my weight gain is going to be an issue now. Oh, that's exciting. Yeah. So tonight, because I wanted a theme, and last month in April, we were kind of busy and stuff. Often in April, around like Earth Day, I do like a ecology show, you know, about Earth, about, you know, Mother Nature or things like that. And because I didn't do it in April, I'm doing it now. So excellent. I took it. And also, Romain is not here tonight, but he had planned to be late in any case. Mm-hmm. So he didn't want to miss part of the show. So when we talked about doing a show about the 80s, like songs from the 80s, we'll do it next week. Perfect. So Romain will be there for sure. Yes, that makes sense. And if he's not, then it'll be the 80s. Archives. Yeah. Well, hi to Romain. We miss him. I have a... Hi. And I have quite a few playlists that I can play anyway. Awesome. Outside of that. So, a little bit later, we'll talk about the events coming up. Mm-hmm. And some concert. We are battling hard to get some tickets, some concert tickets for you guys. So I know that Café Accordéon Orchestra is coming up. Yeah, at the Dakota, right? Yes. Yeah. Indeed. And but there's also Justice and some others. So big bands, Polo and Pan are coming in September. Justice coming soon, mid-June in a month. I think it's June 17th or something like that. I think actually it's on a Tuesday night. It is on a Tuesday. I think it's So we'll see about that if one of us is available to do the show or if we. I have some spare shows that are like new shows. Yeah. With different music and things that can do the trick. But so sounds good. Tonight we're going to, so the theme is going to be Earth Day, and we're going to listen to Yannick Noah. Oh yeah, Yannick Noah. With Aux Arbres Citoyens, and that's a play on words, with Aux Armes Citoyens, you know, to get to your weapons, citizen. Here he's talking like get to your trees and protect them, plant them and things like that. Then Ridan with Objectif Terre, you know, Objectif Earth. It's also about Earth. And Mickey 3D with Respire or Breathe. I know Mickey 3D. He's from Montbrison. Oh. Do you know where that is? That kind of center of France? Heck no. Montbrison. it's quite an interesting we know people in common because I have friends from there randomly. So it sounds like outside of the bakery and the post office. Oh no, it's a proper more than it's a proper city, Montbrison. They yeah, yeah. count the goats for the I'm sure they do too. That's very French. But Miguel 3D, yeah, great, great artist. I haven't heard from him for 20 years. Mm-hmm. Were you already in France when this came out? Yeah, I think Miguel 3D, any of his albums, or like came out after 2000, yeah, and I was already here. You were here, yeah, yeah. Yeah, so I didn't really see the buzz and stuff. That was a big radio buzz when it came out. And those sounds are so unique, like the oversaturation in the melody. Like, anyways, like it's a great message. Great message. Yeah, for sure. All right. All right. On y va. C'est parti. Sustainability. Yes. Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses, citoyens, quelques baffes à prendre. La veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses. Dites-leur qu'ils sont fous. La terre en a ras-le-bol. Comme nous. nature est à moi, je suis sa mère. Vous déchaînerez mes nerfs, je serai guerre. Qu'elle vole vos maisons au-delà des mers. Vous donnerez des noms à mes colères. Vous êtes la raison de vos prières. Et vous aurez raison de vos cimetières. Qu'elles jaillissent les eaux sur votre espèce. Vous n'aurez plus conscience de votre petitesse. Je ferai de vos villes ce bel enfer. Plus chaleureuse encore que le paradis. Vous tremblerez de peur dans vos demeures. Car l'homme a fait de l'homme cette chose sans vie. Elle pleure et pleure et pleure. Chez elle un enfant. Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu'ils s'en foutent. La terre en a ras-le-bol. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche. Chez elle un enfant. Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu'ils s'en foutent. Gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est que demain peut tout en pire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Et voilà, voilà. We are back. Indeed. And we listened to three songs. Yes, on Bonjour Minnesota. The first one was from Yannick Noah. Oui, Yannick Noah, tennis player, yes. superstar, and now musician and in France. Yep. And it's the name of the song was Aux arbres citoyens. Oui. Then Ridan with Objectif Terre. And then just now was Mickey 3D with Respire, Breathe. And we're going to keep tonight with a theme about, you know, like Earth Day, climate change, and that sort of things. And the first one we're going to listen to of this series of three is Benabar. And the name of the song is L'Effet Papillon, or The Butterfly Effect. Mm-hmm. And then Eric John Kaiser with Un Éternel Été. An eternal summer, or summer that doesn't end. Oui. And then... Francis Cabrel. Yeah, Francis Cabrel, Assis sur le rebord du monde. So, sitting to the edge of the world, and he's kind of like saying he's God, and he's going to see what the man did with the planet. Mm-hmm. And that's why you want to see it on the edge of the world. All right? Very cool. On y va? Allez, c'est parti. Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon. Petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression. Petite chose, dégâts immenses. Qu'on l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos, un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons, à nos papilles, un hôtel, un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors si ton nez te fait mal, c'est l'effet papillon. C'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé. Fabrique du rouge à lèvres, des crèmes pour filles. Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon qu'on se maquille. Si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal pour récupérer à 8 heures ton permis au tribunal. C'est l'effet papillon. Petite cause, grande conséquence. Tant joli comme expression. petites choses, des gars immenses. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile. À tout conquis. Le jour je vis sous terre, à l'ombre je survis. Ah, Attila de l'enfer, je ne sors que la nuit. Un éternel été, un éternel été. L'or noir scintille encore, il crache son venin. L'hiver depuis longtemps est mort. Québec, je me souviens. Au royaume des ombres, des frères de la pénombre, chercher de l'eau au puits pour me coûter la vie. Un éternel été. C'est arrêté, personne ne s'est réveillé, le mal est fait. J'ai bien toute ma mémoire, disait Dieu dans un coin du ciel. J'avais avait commencé une histoire sur une planète nouvelle, toute bleue. Bleue pour pas qu'on la confonde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. J'avais mis des gens de passage et j'avais mélangé les couleurs. Je leur avais appris le partage, ils avaient répété par cœur, toujours, tous toujours dans la même ronde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. Hommes pour chaque fille une colline de fleurs. Et puis j'ai planté des arbres à pommes où tout le monde a mordu de bon cœur. Et partout, partout des rivières profondes. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. La ville s'arrête, il paraît que les fleuves ont grossi. Les enfants s'approchent, s'inquiètent, demandent pourquoi tous ces bruits. Sans doute Dieu et sa barbe blonde. Dieu qui s'est assis sur le rebord du monde et qui pleure de le voir tel qu'il est. Sur le rebord du monde et qui pleure de le voir tel qu'il est. At 40 years old, some of us start to slow down, but not the Klezmatics. Tuesday, May 27th, the Dakota brings you the Klezmatics. For almost 40 years, the Klezmatics have been universally regarded as the genre's most innovative band. Known and loved throughout the world, you never quite know what you'll be getting when you see them, but rest assured, it'll be amazing. Opening the show is Red Thread. Tickets for the Klezmatics can be found at the Dakota's website. Visit dakotacooks.com for more details. Voilà, voilà, we are back. That is right. We just listened to three more songs. Exactly. We listened to, so this is Freddie, and we have Adrien. Yeah. Tonight. And we just listened to Benabar with L'Effet Papillon, or the Butterfly Effect. Eric John Kaiser with An Eternalité, An Eternal Summer. And Francis Cabrel just now with Assis sur le rebord du monde, or Seated on the Edge of the World, to see what the man did of the earth. And it's from an album called Samedi Soir sur la Terre, oui. From 2013. Mm-hmm. Actually, 2013 might be like a rendition. It came out, yeah, I think it came out before I left in 2000. So, and there's... It's a very good album. This song is great, but there's also a song about the corrida. There's, you know, Samedi Soir sur la Terre is like a Saturday night on Earth, and, you know, how people meet each other at a bar. I mean, it's a very human one. Yeah, that was a remastered version in 2013, but it sounded really good. Yeah. So tonight is a special, like, Earth Day and ecology and, you know, Mother Nature. So we're going to keep on going. Well, she's kind of She's kind of acting according to her own volition, Mother Nature, today. Today and yesterday, it was like raining a lot. It got cold after that heat wave. It was almost tanked up and shorts, and then we had to get back to pants. I know. I put away all my clothes. I was like, no, it's not going to rain again. And then I had a friend who was like, it's going to be, I saw on NPR, it's going to be great weather all months long. And so I was very optimistic, which for 2 weeks, I was really optimistic, which was awesome. Going back to 49 with raining is a little bit tough, but I mean, it's still better than 20 below anyway. Exactly. But not complaining at all. For the 2 weeks, we need the rain. We had no rain at all. Exactly. It was so dry. Yeah, it was bone dry. Now we got some rain, and we're getting into a nicer weather here in the next week or so. So everything's all right. Rain is like snow. Mm-hmm. It needs to rain at night. Like it needs to snow on the night grass. Only. Yeah. On the grass exactly. Only. So it's pretty in the morning. Mm. Exactly. Yep. All right. So we're going to keep on listening to songs about ecology and Earth Day. The song we're going to listen now is Foule Sentimentale. Ah oui, Foule Sentimentale. And it's from Alain Souchon originally. But this one is a cover from Sol en Si, which was a charity. It's about consumerism and that sort of thing. And then Zazie with Je suis un homme, I am a man, but more in the sense of like human beings. Human, And Gims with Le pire, or the worst. All right. On y va? Mm-hmm. Foule sentimentale, l'amour et la révolution. Je fais le tour de la question. J'avance, avance à reculons. Et je tourne en rond, je tourne en rond. Tu vois, je suis pas un homme. Je suis le semblant d'hésiter, et quand les enfants me demandent pourquoi la suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre les poissons ont trop pleuré, pleuré. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. DJ Hooker, and I'm excited to invite you to my brand new show, Views from the Ground, which will be a great way to stay informed on local Black Lives Matter protests, local politics, and listen to local artists and poets. The show will be every Wednesday from 7 p.m. to 8 p.m. right here on KFAI. Et voilà, voilà. Et voilà, we're back, and you're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is a non-commercial community-powered radio. Yes. And voilà. And this is Adrian. And Freddie. And we are not paid. No, we're not. But we're here, and this is great. We're happy to spend a moment with you. Yes, for the pleasure of listening to French-speaking music. Yeah, I guess. Yeah. French. songs. Something. Songs for the most part, because yes, we don't do a lot of like talking. I mean, sometimes we have authors. We're very well known for not talking at all. That is true. And so we just listened to Sol en Si with Foule Sentimentale. It's a song from Alain Souchon about consumerism. And then Zazie with Je suis un homme. Mm-hmm. I am a man. And Maître Gims with Le Pire, or The Worst, where like everybody destroys everything. So it's a call to not destroy everything. Voilà. And we're going to keep going. Around 9 o'clock, we'll talk about the events. Yeah. And otherwise, we're here every week until 10 p.m. And all the shows are archived. So if you go to kfai.org or to the application, you can go to the archives. But if you go to archive.org and look for Bonjour Minnesota, all the shows since 2012 are there. Oui. Stored. Oui. For free. Oui. I mean, I give them money once in a while, but it's tax deductible, and they need that. They really need that. Just not for our show, but for like what they do. Archive.org is valuable. Pretty cool. So we're going to keep on listening to music about Earth Day, because April was too busy. And we're going to listen to Émilie Loiseau with two songs. The first song is the same name as the album. It's called Mona. And the second one is Viens avec moi, mon vieux pays, featuring the Blind Seeds. Come with me, my old country. And they are both about Earth Day. And Les Enfants Fantastiques, which is a play on word between Les Enfants and Fantastique, the kids, the fantastic kids. And the name of the song is Indispensable. Mm. Or we could say the Fantas Kids. We could. You should suggest it for the next kids band. We got all the marketing done. They're going to expand to English speaking nations. Yes, indeed. All right. On y va? C'est parti. Il y a des choses étranges ici. Les gens Thank you. Hey kids, don't flip your lids, because, heaven forbids, you miss Southern Culture on the Skids. KFAI brings you Southern Culture on the Skids, Sunday, May 25th at the Fine Line Music Cafe. The rockabilly, psychabilly, countrypolitan, surf swamp, boogie blues band is coming back, so get your 8-piece boxes ready. Southern Culture always brings the fun wherever they go, and the Fine Line is the perfect venue to see them again or for the first time. Opening the show are High Octane, Honky Tonkers, Kinda Fonda Wanda. Tickets for Southern Culture on the Skids at the Fine Line can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul. Et en ligne sur KFAI.org, l'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint Paul and streaming at kfai.org. The program you are listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing or email us at bonjourminnesota@gmail.com. .com. Yes, voilà, you're Franglish. You're yes. Listening to Bonjour Minnesota, the French, a show on KFAI that highlights the diversity of French speaking cultures. So here we listen to music, we talk mm-hmm. Franglish. Yeah. And we really enjoy discovering new sounds from different countries in the world as long as they have some connection to the French language. Yeah, and for French culture, you know, sometimes we talk about books, sometimes we talk about, like, music, mm-hmm. sometimes about like arts and dance, especially, I mean, we are fairly lucky in the Twin Cities to have the Alliance Française. That is highlighting or making some events out of like artists who are often local but inspired by other French artists or like by their trip in Paris or in France. So that's... And also a lot of cultures that have some connection, some tie to France, whether it's historic or just language. Yeah. Now, you know, there was just a great showcase of Laotian cultures recently, and that's through cooking and that's through having a little bit of exposure to just beautiful people that do speak their native language, but also have some French-speaking population. So yeah, ties, yeah. So very cool. So we listened to two songs. From Émilie Loiseau. Yeah. So it's not spelled like a bird because there's a Z in the middle and there's no apostrophe, but that sounds like it. But yeah. It sounds like it, like a bird. The first song from Émilie Loiseau was Mona. And the second one was Viens avec moi, mon vieux pays. And after that, it was Les Enfants Fantastiques, play on word between enfant and fantastique, and with the song Indispensable. And tonight is a special Earth Day, so that's the theme of the songs. Very cool. And we're going to keep on going. We'll talk a little bit about the events first. Yes. And the first event I'm going to talk about is coming up tomorrow between 6 and 8 p.m. It's Bord de Seine, or the edge of the Seine. But Seine in French is also like, could be the river. The river, Bord de Seine in Paris. And it's Rencontre avec Vinora Epp, and it's in French. It's at the Alliance Française. So it's at 227 Colfax Avenue North in Minneapolis, Minnesota. And if you want more information, you can go to afmsp.org. And it's an American artist that lived in Paris and that is back. She's a Paris-based theater artist, and she grew up in Minneapolis. So that's going to be, I mean, she'll talk about her directorial debut, Orlando, a Rhapsody, but it'll be interesting to see how she sees things. Mm-hmm. Then French Alumni Day, Minneapolis Professional Speed Meetings, and it's also at the Alliance Française, so afmsp.org. It's on Thursday between 5:30 and 7 p.m. You probably need to register at afmsp.org. So, 5:30 to 7 p.m., an evening engaging, featuring local professionals who have successfully integrated their French language skills into their careers. So it's a meetup event, and that sounds like pretty cool. There's going to be some speakers. Then, afmsp.org if you want more specifics. Then on Friday, May 30th, so it's a little bit away, but it's going to come before you know it, there's the Braise Fest, and it's a festive celebration of French Brittany, and it's going to happen at a Minneapolis Cider Company, and they are located at 701 Southeast 9th Street, Minneapolis, in Northeast. But if you want tickets, then I would recommend that if you're interested in knowing more about Brittany and food, drinks, and traditions, you go to afmsp.org and get tickets before it's getting sold out, because it might. I don't know if it was sold out the past years, but I know it was very successful and busy. So there's going to be traditional dance from Brittany, and there's going to be crepe, and there's going to be cider, and that sort of thing. So that should be fun. Maybe one of... I guess I did one, like, you know, like on St. Patrick's Day, I'll often do like a show about Celtic, about Brittany. Mm-hmm. So I was going to say maybe I can do a Brittany show, but I kind of did one like in March. So we'll see if I do another one or not. And then also, on the 30th, it's on... Also on the 30th, but it's between 6 and 8 p.m. There's a cine club at the Alliance Française. It's called La Page Blanche. It's a movie from Muriel Magellan. and it's the blank page, and it's going to be this movie night is going to be at the Alliance Française. So they are located 227 Colfax Avenue North, Minneapolis, Minnesota. You can get more specifics at afmsp.org. Typically, donation is well accepted. Appreciated. Yep, appreciated. And but otherwise, I don't know that there's a formal cost. Tomorrow is the Europa League final. So that's the one that's kind of like different from the Champions League. It's going to be the Spurs. Mm. It's two British team against Manchester United. Okay, yeah, so that makes sense. My boss is originally from Seattle, but he's supporting the Spurs. So I don't have the habit of supporting any British team. But in this case, I'll make an exception and I'll support the Spurs. Yeah. because, yeah, good, yeah. good choice there. Because it's my boss. no, I don't have, like, between the Spurs and Manchester United, I really don't. Yeah, I think Manchester United didn't do, I'm trying to remember the Premier League that just ended, like, a few weeks ago, and Liverpool won, you know, Man United has a lot of titles probably already, so, yeah, you know. For sure. Yeah. Well, and that comes to the next step, which is the Champions League final. So each year. And the 24-25 Champions League season is ending in Munich in Germany. And that's going to be on Saturday, May 31st. And that starts at, the kickoff is at 2 p.m. Central, but Brits Pub opens their door at 12 at noon. It's on a Saturday. And guess what? It's going to be Paris Saint-Germain. Paris is going to be in the final for the second time. Wow. It's not much. And they're going to play Inter Milan. And it's going to be a tough game, I believe, I anticipate. So I'm going to go and watch it at Brits Pub. Yeah, yeah, that's the place to be for this kind of things, I believe, huh? I hope they're going to rent a big screen, but... They do. Last time, so for the Premier League, they did. For the final, well, it was kind of a cold day. There was like a ton of people outside. Mm-hmm. But they did have it set up. Yeah. So I wouldn't be surprised if it's especially, yeah, if it's a nice day that you may have an opportunity to... I'd love that. ...sit on the giant screen outside on the grass. Yeah, I'd love to. I'd love to see Paris win. So, I wonder why. I thought you were going to cheer for Milan just to change it up. Milano. I thought you had a little Italian accent. Nope. Nope. Nope. No, not, even in the skin tone. No, nope, no, nope. Nothing. Nope. No, no. I'm pale as a You're not a Milanese at all? I'm pale as a Scandinavian and like a Russian Jew. Like, blue eyes. Yeah, families from the middle of France. Or Russia. And so, in love with Paris. Yeah. So, well, I grew up in Paris. I'm like just, yeah, third generation of Parisians. So, yeah. I was not that much of a fan before I moved here, but like the past 10, 15 years. There was a resurgence of your Parisian identity. Well, there was both things. There was, yeah, the desire to see Paris succeed. There was also Qatar, who bought Paris and brought more players, better players. Yeah. And the fact that, yeah, it's also an opportunity to meet other Frenchies. Are you trying to say you started supporting Paris because Qatar bought the team? No. I'm saying the players got better and we got better players. I see. Just want to make sure. That got it a little bit more interesting because we could finally go to the quarterfinal of the Champions League instead of being booted out. Yeah, since Paris has been winning since. Seems like for the Ligue 1 in France, they've been winning like pretty much every year, except like, you know, odd years. It helps. It's like when the team, your hard team, is also really well funded and wins. I mean, it does. Yeah, like it does help. It's like for people who used to live in New York and were supporting the Yankees. The Yankees. I mean, it was a good. I mean, it was good to see the team win. And except when you support the Twins. Yeah, that's true. That's true. But I don't support neither, so I'm good. Yeah, so that's another topic, right? That's right. A topic for another day. It is indeed. Okay. So, exciting. Well, thanks for sharing all these events. There is always a lot happening. I'm amazed. And they're always on our Facebook page. So follow our Facebook page, go to the events, and you will see most of the French events. Shared, yeah. I mean, the Alliance Française is the one with the main event for the most part, but when there's like Café Accordéon, yes, or some Cajun music somewhere, right, with the new Riverside Ramblers, oh, yeah, we don't hesitate to share. So if you know of a French event that's happening and send we don't us know about it, yeah, send it on the Bonjour Minnesota Facebook page, and we'll take a look at it and share it. Mm-hmm. Yeah, the more the merrier. We're going to listen now to a band that I discovered when my kids were kids, Les Zut. Ah oui. It's a band for kids. Yes, yeah. And it was on Pomme d'Api. Oui. Pomme d'Api is a magazine. I used to read them. Is a magazine. And, for children. For children in French. And they had like a CD with three songs for like Mother's Day or something like that. And or Father's Day, I can't remember. And I discovered some artists like that. Mm-hmm. And Les Hutes, I discovered them. And this song is also with Tom Diakité. Mm-hmm. And the song is Tout le monde a besoin de l'eau. Everybody needs water. So save it. Don't let it run into the river and waste it and things like that. It's a pretty cool song. Then Pierre Perret, who's, as usual, fighting injustice. Mm. And in this case, the name of the song is Donnez-nous des jardins, giving us gardens, yards, parks. Yeah. And because, I mean, what you got to know, it's like there's a lot of gardens now that are open to public. In Les Halles, for example, in the middle of Paris, you can go on the grass if the grass is not being, you know, repaired or whatever. Yeah. But when I was a kid, yeah, the grassy area was gated. You couldn't play on the grass. Yeah. And if the ball was going to the grass and stuff, you are getting yelled at by the guards. Keep off the grass. Yeah, yeah, stuff like that. You Parisian kids. So that comes from there. All right. And Michel Polnareff, with part of his latest album called Enfant, which came out in 2018, and he had been like years and decades that he had done nothing. Yeah. I mean, I'm sure he was busy, but not making music. And the name of his song is Terre Happy. And it's a play on word, because terre is earth, and happy means happy. You know, it's in English. Therapy. But you group therapy it and you get it. Therapy, oh, yeah. Or therapy. Yeah. Wow. All right, on y va? Parfait. Sans sa Juliette, ma grand-mère ne peut pas lire sans ses lunettes. Une maison ne tient pas debout sans ses murs. À quoi ressemblerait le zèbre sans ses rayures? Sans ces petites choses, on n'est pas grand-chose. Mais tout le monde, tout le monde, tout le monde a besoin de l'eau. La nuit serait-elle aussi belle sans les étoiles? Imaginerait-on une fleur sans pétales? Le joueur de tennis tourne en rond sans sa raquette. Quand on n'a pas les œufs, comment faire une omelette? Oh. Sans ces petites choses, on n'est pas grand-chose. Mais tout le monde, tout le monde, tout le monde a besoin de l'eau. besoin de l'eau. Quand tu veux te laver les mains, pas besoin de vider la rivière. Quand tu vas te brosser les dents, pas besoin, le robinet ouvert. Prendre la douche ou le bain, pas besoin de vider la rivière. Faut-il en faire couler tant? Pas besoin, pas besoin. Quand elle n'a plus sa corde, une guitare, elle. L'écureuil est de mauvais poil sans ses noisettes. Spider-Man sans sa toile prend le bus comme tout le monde. Si elle ne sourit pas, qui reconnaît la joie? Sans ces petites choses, on n'est pas grand-chose. Tout le monde, tout le monde, tout le monde a besoin de l'eau. Tout le monde, tout le monde, tout le monde a besoin de l'eau. Everybody needs water. Todo el mundo necesita agua. Et tout le monde a besoin de la poussée de la maille. Faut veiller sur elle, il faut veiller sur l'eau. Il faut veiller sur elle comme un trésor précieux. Tout le monde a besoin de l'eau. Il faut veiller sur elle, il faut veiller sur l'eau. C'est les morts à lui, il m'a dit vôtre. Il faut veiller sur elle comme un cadeau précieux. Comme un cadeau précieux. Il faut veiller sur elle, il faut veiller sur l'eau. Il faut veiller sur elle comme un trésor précieux. Il faut veiller sur l'eau. Il faut veiller sur elle, il faut veiller sur. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises. D'où on revient des petites fleurs à la main quand on a déchiré sa chemise. Des jardins d'où l'on est si content de rentrer les genoux tout ensemble. C'est pas qu'on s'embête en bas des HLM, mais les galipettes sur le ciment, c'est pas de la crème. Et pour trouver de l'herbe, accrochez-vous bien, comme disait un lézard vert qui était pas daltonien. Si on casse les vitres quand on joue au football, qu'on vous casse les pieds aussitôt qu'on revient de l'école, c'est qu'on manque d'espace, de piaf et de feuilles. Y'a plus qu'à la caisse d'épargne qu'on trouve des écureuils. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises. D'où on revient et des petites fleurs à la main quand on a déchiré sa chemise. Des jardins aux odeurs sauvageonnes, ça vaut celle des oxydes de carbone. Bien souvent je rêve de bêtes et de prairies, recherchant une trêve à cet univers un peu gris. Je joue aux abeilles, le vol du bourdon. Si la reine s'émerveille, mon goûter sera bon. Les mulots gambillent, le hibou vend des poux. Une jolie chenille est venue tremper une soupe aux choux. Et un pauvre mille pattes se voit déjà ruiné par 500 paires de savates qui ont besoin de ressemeler. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises. D'où on revient des petites fleurs à la main quand on a déchiré sa chemise. Des jardins d'où l'on est si content de rentrer les genoux tout ensemble. Dire au hérisson qui peut aller se raser, au vieux saule pleureur de pas trop se démoraliser, et à la menthe religieuse de pas bouffer son mec, que même ces dames du MLF trouveraient pas ça correct. Quelle vie merveilleuse, loin des marteaux-piqueurs, des marchands de béton qui feraient bien mieux de vendre des choux-fleurs. Laissez pousser l'herbe, les arbres et les fleurs, même les ânes en ont besoin autant que les promoteurs. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises. D'où on revient des petites fleurs à la main quand on a déchiré sa chemise. Des jardins pleins d'animaux marrants, ça nous changerait un peu nos parents. Je m'appelle la terre, et toi, tu ne sais même pas toute ma colère. Tu tues mes arbres, mes forêts, mes abeilles. T'es qui? T'es rien. Gravité de tes trouvailles. KFAI is pleased to present progressive extreme metal powerhouse Rivers of Nile, Thursday, May 29th at the Caboose in Minneapolis. With support from Holy Fawn, Inter Arma, and Glacial Tomb, this show is guaranteed to cure your suborbital blues. Tickets for Rivers of Nile, Holy Fawn, Inter Arma, and Glacial Tomb are available now at the Caboose website. Visit caboose.com for more details. Et voilà, voilà. We are back. Listening to Bonjour Minnesota. And with Adrian. And Freddie. Yes. Yes. And tonight is a special Earth Day, so we listen to three songs. The first one from the band Les Zut. Les Zut. And Tout le monde a besoin de l'eau. Everybody needs water. Oui. Then Pierre Perret with Donnez-nous des jardins. Build us some parks, some gardens. And then Michel Polnareff with his big comeback from 2018 and with the song Therapy, or Terre Happy, from his album Enfin, At Last. And we're going to keep on going. Yes. We have a band called Gage, or G-A-J. G-A-J, yeah. And the name of the song is Demain la Terre, Tomorrow the Earth. Then Le Caribou Volant. Mm. The flying moose. Yeah, moose. Yeah, the flying moose. Yeah, with it's mauvaise cool. graine or mauvaise. Bad seed. And in parentheses, it says Monsanto is not good for my health. That's the title of the song. Yeah. The, okay. The title of the album is Yapadam and L'Écologique. But instead of doing l'écologie, mm-hmm. it's a play on word, and l'écho is the echo. Mm-hmm. Like the an sound. Echo, a sound. And it's separated and logic, like being logic. Cool. So it's pretty cool. It's pretty clever. And then we're going to listen to Trio with L'Air du Plastique. Okay. Or the song of the plastic song. And, you know, it's about a little bit consumerist, but mostly about, you know, not recycling and dumping stuff. Okay. On y va? C'est parti. La pluie ne tombera plus, le vent ne soufflera plus comme avant, mais on dansera sous le soleil, même si rien n'est vraiment pareil. La vie ne chantera plus, l'ami n'accueillera plus sous son toit, mais toi tu vis dans ta tanière, y a vraiment pas de quoi être fier. De changer demain, viens illuminer la scène où se se joue notre destin. Tu as vu où ça nous mène, alors donne un coup de main, réveille-toi. Demain. De la planète qui a la prétention d'acheter la vie. Monsanto veut avoir les mains sur les manettes, nourrir l'avenir selon ses envies. Il veut contrôler le destin de l'humanité, inventer ce qui n'apporte pas de profit. Il n'a pas le souci de l'égalité. Les procès lucratifs se font sans compromis. Qui de la poule ou de l'œuf a fait le premier cri? Demande à ton ami le bœuf à quoi il est nourri. Mais une bonne côtelette ne fait pas trop d'esprit, car aux OGM t'inquiète, elle doit être garantie. Why, why, why, pas bon pour ma santé, Monsanto. Why, why, why, pas bon pour Monsanto, ta santé. La mauvaise herbe devient agriculteur, c'est des vacances toute l'année. Avec les pesticides, tu as trouvé un bon proverbe. L'OGM résiste mieux que les petites ONG. Tu n'as rien d'autre à faire qu'asperger sa bonne graine. Pour l'industrie chimique, tu devras bien t'endetter. Y a pas de polémique à cultiver pour Monsanto. La taxe d'écologie, Lula au Burkina Faso. Why Monsanto, petit maigrin, viens ici, t'en reviens là. De la poule ou de l'œuf a fait le premier cri. Demande à ton ami le bœuf à quoi il est nourri. Mais une bonne côtelette ne fait pas trop d'esprit, car aux OGM t'inquiète, elle doit être garantie. Why, why, why, pas bon pour ma santé, Monsanto. Why, Oi, oi, oi. Pas bon pour mon sang, pour ta santé. Tout s'achète, même les famines et les disettes. Avec les graines de toute la terre, il se proclame roi du désert. Rien n'est gratuit et tout s'achète, même les famines et les disettes. Tu assassines cette planète dans l'allégresse. Rien n'est gratuit et tout s'achète, même les famines et les disettes. Regarde ces hommes tenus, on laisse toi marchand de tristesse. Rien n'est gratuit et tout s'achète, même les famines et les disettes. Toi le propriétaire des semences de la terre. Qui de la poule ou de l'œuf a fait le premier cri? Demande à ton ami le bœuf à quoi il est nourri. Mais une bonne côtelette ne fait pas trop d'esprit. Car aux OGM t'inquiète, elle doit être garantie. J'ai vu des arbres de plastique dans des déserts inhabités, mélangés à l'organique sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village, drapeaux aux mille couleurs. La caissière vous noie au passage. Prenez-en celle de bon cœur. De bon cœur. Quand c'est l'air du plastique qui soudain s'en va en fumée, la mélodie la plus toxique que l'homme aurait pu inventer. Cendres noires dans le ciel retrouveront leur paysage. La musique est partout la même. Cette terre est juste de passage pour flatter votre égo de passage. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie. Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi. S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe, elle est cynique et tellement plus économique. C'est la rengaine du quotidien. Celui qu'on mâche, qu'on mastique, celui qui vous scie dans les mains. Des milliards de sacs lâchés comme des ballons dans le vent. Ça vous enterre des paniers. C'est là au moins pour 100 ans. 100 ans. Un siècle d'air de plastique, ça vous donne envie de chanter la musique technologique d'un plasticien de l'humanité. La mélodie un peu gênante d'un baobab défiguré. Drôle de feuilles sur ses branches que la folie du vent fait claquer. Claquer. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie. Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi. S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe, elle est cynique et tellement plus économique. Cette terre a vu enfanter. Quand de la terre le plastique devient malgré elle son engrais. Main de l'homme sur le monde redessine les paysages. La musique est partout immonde. Cette terre est juste de passage pour flatter votre écho de passage. Like a freight train coming at you, KFAI presents The Great Northern, live at the Cedar, Saturday, June 14th. The Great Northern runs the lines of American rock, roots rock, blues, bluegrass, country, country rock, and folk, and switches among them all with the ease of a well-oiled machine. They'll be joined for this special show by Chris and Ari Silver and Aaron Gavrick. And just for added satisfaction, they'll be joined by the Strolling Clones. Tickets for The Great Northern and the Strolling Clones can be found at the Cedar Cultural Center's website. Visit thecedar.org for more details. Et voilà, voilà. You're back on Bonjour Minnesota on KFA Radio. Yes. And with Adrian. And Freddy. And we listen to three songs about Earth and Earth Day and ecology. And we listen to GAJ, which is hard because in French, G and is G. G and J is J. Yeah, so it's the opposite, and so I have to think about it. But yeah, very confusing. It's good for my future Alzheimer's. maybe I just said like 2 seconds. Yes, just say it every 30. Day and yeah. No Alzheimer's for you. Yeah, and they were singing Demain la Terre, Tomorrow Earth, mm-hmm. then Le Caribou Volant, or The Flying Moose, ouais. With Mauvaise Graine, or Bad Seed, and it says, pas bon pour ma santé, Monsanto. So Monsanto is not good for my health. Then a trio with l'ère du plastique. And the plastic era, or the l'ère is spelled like the air. Yep. Like breathing, the yep. plastic kind of deal. So, and we're going to keep on going until 10 o'clock, until Balkan Jamboree. Yeah. And we're going to listen to another song from Trio that was a big success in France. It's called L'Hymne de nos campagnes, or the country's hymn, and where they kind of, they are saying that, you know, mm-hmm. we need to go more and take care more of the country. Yeah. and take care of it. And this one is from 2019 and is featuring Big Flo and Oli, plus Boulevard Désert and more. Oh, great. So a lot Fun. Of guests. Yeah. It was a live version called 15. Wonderful. Not 15, 25, sorry. Okay. And then we're going to listen to an African singer called Tiken Dja Fakoly. And he's going to sing Le Monde est chaud. World is hot. Mm-hmm. And it's about climate change. With soprano. Yeah, featuring soprano from Marseille. And Daddy Mori with Terre Mère. Okay. Or Mother Earth. Yeah. On y va? C'est parti. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux termes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les man, faut faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose. Contre le parfum d'une rose, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal, crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones, pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient, va vite faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas, ici tu n'as rien, et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le couler de l'eau sur la terre. Dis-toi qu'au bout, hey, il y a la mer, et que ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi pris dans vieux chênes et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil. Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Crie-le bien fort, use tu m'écoutes, tu as envie de rire. Mais si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car en lopin de terre, une tige de roseau servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Je vois leur manigance, leur calcul politique. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Ils mentent avec aisance, c'est Pinocchio pathétique. Hey. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Encore combien de temps vont-ils nous mettre la disquette? C'est sur le dos des mêmes qui font leur plus grosse recette. Y'a le sang d'innocents sur les mains de leurs boulettes. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Je respire la fumée, je suis à bout de souffle. Je vois les flèves faner, l'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promettre, c'est foutre de la morale. Ils n'ont qu'une chose en tête, c'est leur paradis fiscal. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Avec vos gaz à effet de serre, mais c'est malin. Protéger la terre mère, y'a tellement de déchets qu'on ne sait plus quoi en faire, mais c'est malin. Respecter la terre mère, la bombe atomique, dites-moi franchement à quoi ça sert, mais c'est malin. Protéger la terre mère, arrêtez de polluer l'air, la terre et les mers. L'homme vivait bien, l'homme vivait très naturellement. Avant l'homme vivait beaucoup plus longtemps. L'hygiène de vie était beaucoup mieux avant. Quand j'étais petit, je les gambadais dans les champs. À présent, la pollution a tué notre paradis. Ils empoisonnent le peuple et leur donnent même pas à radis. Les déchets toxiques nous donnent même des maladies. Ils nous laissent mourir dans nos bodies. Cela veut dire qu'il faut contrôler ta destinée. Toujours être obstiné et ne pas les laisser nous empoisonner. Cela veut dire qu'il faut contrôler ta destinée. Même si le terrain est miné, ne pas lâcher la terre avant que ce soit terminé. Terminé. Respectez la terre-mère. Arrêtez de polluer avec vos gaz à effet de serre. Et c'est la laine. Protéger la terre-mère. Il y a tellement de déchets qu'on ne sait plus quoi en faire. Mais c'est la laine. Respectez la terre-mère. La bombe atomique, dites-moi franchement à quoi ça sert. Mais c'est la laine. Protéger la terre-mère. Arrêtez de polluer l'air, la terre et les mers. On commence à s'apercevoir que notre planète subit un grand changement. Les saisons sont écrasées, ça devient vraiment flippant. On commence à voir les méfaits sur la nature et le temps. On ne sait même plus où foutre le camp. Laissez-moi vous dire que la bombe est enclenchée. Seul l'homme a les moyens de la désamorcer. Encore une histoire de profit mais de mauvaises décisions. L'animal reste dans le micro, non je lâche pas ma mission. Respectez la terre-mère, arrêtez de polluer avec vos gaz à effet de serre. Et c'est la laine, protégez la terre-mère. Y'a tellement de déchets qu'on ne sait plus quoi en faire. Mais c'est la laine, respectez la terre-mère. La bombe atomique, dites-moi franchement à quoi ça sert. Mais c'est la laine, protégez la terre-mère. Arrêtez de polluer l'air, la terre et les mers. Respectez la terre-mère, c'est lui. On se donne la respecter. Respecter la nature. C'est bien. Il serait temps que le gouvernement prenne au sérieux les avertissements des Rastaman. Rastaman. Il serait temps que le gouvernement prenne au sérieux les avertissements des Bingiman. Des Bingiman. Trop de gaz à effet de serre, ils veulent étouffer la terre-mère. Trop de pollution, trop de guerre, y'a trop de bombes nucléaires. J'te jure sur la vie de ma mère, on se croirait en enfer. Ce n'est pas des paroles en l'air, il faut protéger la terre-mère. Respectez la terre-mère, arrêtez de polluer avec vos gaz à effet de serre. Et c'est la laine, protégez la terre-mère. Y'a tellement de déchets qu'on ne sait plus quoi en faire. Mais c'est la laine, respectez la terre-mère. Atomique, dites-moi franchement à quoi ça sert. Mais c'est la haine, protéger la terre-mère. Arrêtez de polluer l'air, la terre et les mers. Respectez la terre-mère. Arrêtez de polluer avec vos gaz à effet de serre. Mais c'est la haine, protéger la terre-mère. Y'a tellement de déchets qu'on ne sait plus quoi en faire. Mais c'est la haine, respectez la terre-mère. La bombe atomique, dites-moi franchement à quoi ça sert. Mais c'est la haine, protéger la terre-mère. Arrêtez de polluer l'air, la terre et les mers. Et voilà, voilà, we're Yay. Back, but for the last time, say goodbye. Oui. Good night, bonne nuit. Au revoir. And à la semaine prochaine, we're going to play one more song. We just listened to Trio with L'Hymne de nos campagnes. Then Tikenja Fakoly with Le Monde est chaud. And Daddy Mori, just right now, was with La Terre-Mère. And we're going to leave you with the beautiful Cecilia Cara with Mama Terre. And it's from her album, Paris Bogota. And we'll be back next week. And next week, I hope Romain's going to be there. And we're going to have a playlist from the 80s. From there. Stuff that we grew up with. Awesome stuff. Well, at least I grew up. The good stuff, yes. All right. You have a good night. Ça marche. And stay tuned for Balkan Jamboree. Stay tuned. Bye-bye. L'air que je respire est beaucoup trop pur. ciel devient sombre, que le soleil grimace. Je ne suis plus qu'une ombre qui peu à peu s'efface. Quand il sera trop tard, que plus rien n'y fera. Peut-être bien qu'un soir on se demandera où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on va. Mama terre, regarde-moi. Je ne suis qu'un enfant qui veut de toi. Toujours mieux, toujours plus beau qui pourquoi. Sera ma dé-